J'entends battre le cœur des hommes qui dorment enfin sans peur. Il fallait que cette heure sonne après le temps des pleurs. Yerushalayim, ma ville d'or, ville de cuivre. Ne sont pas morts en vain. Cet orage d'acier de fer est le plus pur, le vin. De plus grand on fait des poèmes. Si je te chante encore, c'est que je t'aime, Yerushalayim.